Seigneur, qu'arrive votre âme, et quelle preuve vous faut-il? Et voir peut-être en latin, difficile entreprise. Quelle certitude voulez-vous donc, hypocrite immonde tout autour de tes robes à vous? Mais si notre raison mène à la vérité, une présomption si forte, qu'elle vous conduira bientôt presque à la certitude. La nuit dernière, j'entendis Cassio parler en rêve. Il trahissait par des paroles toute son âme, et dans le charme de son ivresse, s'abandonnant à son rêve. Murmurait avec tendresse, Desdémona suave à ton baiser m'embrase, cachons-nous bien, cachons notre ineffable extase. Il en la fête avec angoisse son doux.